Open de tennis, c'était le Challenge Banque Nationale qui s'est déroulé en fin de semaine à Ville-Saguenay. Ben, toute la semaine, en fait, et c'était une réussite. Quoi qu'il en soit, on va parler avec une qui était une des organisatrices, Caroline Delis. Salut, Caroline! Caroline, effectivement, est-ce que ça a été un succès? Est-ce qu'on peut qualifier ça de succès? Oui, c'était un grand succès. Écoutez, c'était notre 10e anniversaire et puis on a eu vraiment une belle réponse du public. On a eu beaucoup de spectateurs, plus que l'année dernière, ça c'est certain. Lors de la finale, on a eu tout près d'au moins 400 personnes, ce qui est quand même bon considérant qu'on n'a pas de Québécoises ni de Canadiennes en ronde de demi-finale et finale. Donc, on a eu du monde non, tout au cours de la semaine. Et puis, écoutez, je pense que les gens ont vraiment apprécié le spectacle. On a eu beaucoup de matchs qui ont été chaudement disputés, là, des matchs de 3-7, des longs matchs. Et puis, je pense que c'était une des belles éditions là, au niveau du calibre de jeu. Là, c'était vraiment bien. Et puis, les matchs de double aussi, ça a vraiment attiré l'attention des gens. Surtout la finale là, qui a été vraiment serrée, puis un excellent match. Donc, non, je pense que tout le monde a bien apprécié cette finale. Charlotte Robillard-Millette a été quand même bien fait, hein? Oui, elle a très bien fait. Écoutez, Charlotte a seulement 16 ans, elle est 7e au monde junior. Elle avait bénéficié d'un laissé-passer pour le tournoi ici à Saguenay. Elle est 756e joueuse mondiale là, pour le classement de la WTA. Fait que c'est sûr que pour elle, c'est important là, de participer dans ces tournois-là pour avoir la chance justement d'aller chercher des précieux points puis continuer à essayer de monter son classement. Et puis, par contre, elle continue quand même à faire des tournois juniors, ce qui est une très bonne idée dans son cas pour continuer à prendre confiance et ainsi de suite. Et puis là, elle a quand même gagné 2 matchs. Fait que pour nous, c'est sûr que ça a paru aussi au guichet. Et puis, même son dernier match contre Sanchez, qui était la 6e favorite, elle a perdu 7-5-6-0, mais elle a démontré des belles choses au premier set. Et par la suite, ben là, ça a été un petit peu plus difficile, mais écoutez, c'est une bonne joueuse, puis elle a un bon potentiel, donc c'est certain qu'on va la revoir, puis on espère que l'an prochain, elle va faire encore mieux. Françoise Abanda, est-ce que c'était décevant pour les organisateurs à la toute fin qu'elle a dû laisser... elle a vraiment déclaré forfait? C'est certain. Hein? On veut toujours que nos joueuses puissent participer à ces tournois-là. Nous, c'est seulement une fois par année. Fait que c'est certain que quand ils viennent pas, ben, on est déçus. Mais les blessures font partie du sport. Puis, dans son cas, ben, écoutez, elle a eu quand même son lot de blessures dans les dernières années ou deux. Fait que c'est pas nécessairement facile pour elle, mais on va voir la suite. Écoutez, je pense que c'est une blessure à un pied qu'elle avait. Donc là, j'ignore là, la nature de la blessure. Puis, je sais pas pour combien de temps elle va en avoir, mais... c'est sûr, c'est décevant. Par contre, on avait quand même d'autres Québécoises et d'autres Canadiennes qui ont participé quand même en grand nombre. Fait que ça, c'était quand même une bonne nouvelle pour nous. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, on peut être déçu, mais on est quand même, on se réjouit parce que ça peut donner la chance. OK. Caroline, si on parlait maintenant d'Alexandra Wozniak. Alexandra Wozniak, elle vient ici parce que c'est pour le chemin du retour. Évidemment, elle espère, moi j'ai parlé là, cet automne, elle espère évidemment redevenir ce qu'elle a toujours été. Mais est-ce que, à la lumière de ce que tu as vu, elle a perdu à Toronto, elle n'a pas fait longtemps à Toronto, à Winnipeg, elle s'est rendue encore, mais ça a quand même été difficile aussi. Et là, à Ville-Saguenay, le premier match, elle perd. Est-ce que ça va être difficile de revenir à ce qu'elle est devenue? Parce qu'elle a été 26e mondiale, elle a déjà été jusqu'à 26e, je pense que ça va être difficile, hein? Oui, ben je pense bien. Ouais. Bien, hein? C'est sûr que là, elle a eu quand même une bonne opération à l'épaule. Là. Ça fait un an qu'elle était à l'écart du jeu pendant un an. Ce qui est quand même beaucoup pour une athlète, là. Et puis là, ben, c'est sûr, elle avance en âge aussi. Il y a tous ces facteurs-là. Il faut dire que le tennis d'aujourd'hui est vraiment axé sur la puissance. Il y a vraiment beaucoup de bonnes joueuses. Fait que c'est ça, c'est pas facile là, de regagner les rangs si on veut. Puis pour elle, ben là, faut qu'elle fasse là justement les qualifications de plusieurs tournois pour justement atteindre le tableau principal. Puis il faut qu'elle fasse des plus petits tournois, mais elle a pas le choix là, parce que bon, en raison de son classement qui est 850, elle peut pas malheureusement faire les gros tournois. Mais écoutez, on va voir la suite. C'est sûr que dans les tournois ITF, comme on a nous ici, il y a vraiment d'excellentes joueuses. Hein. Fait que c'est pas facile là, de se frayer un chemin puis de remporter les grands honneurs. Mais on va souhaiter que dans son cas, ça puisse aller de mieux en mieux. Je sais qu'elle était quand même satisfaite de sa prestation ici à Saguenay, là, dans son match, là, à retirer beaucoup de points positifs. Elle semblait avoir un petit peu de difficulté avec son cerveau, ouais. Par contre, on voyait qu'il manquait peut-être un petit peu de puissance et tout ça. Fait que c'est sûr que là, avec son opération, ça peut expliquer le tout. Mmh. Hein. C'est sûr que le cerveau, c'est pas un mouvement naturel. Puis quand on se fait opérer, ben, c'est sûr qu'on peut rester avec des petites craintes aussi et tout. Mais on va lui souhaiter bonne chance, puis on va la suivre encore là, dans les prochaines semaines. Elle va sûrement faire d'autres tournois, des tournois ITF, tout ça. Fait qu'on va souhaiter okay. très bien. Parlons de maintenant de Marie-Alexandre Leduc. Oui, Marie-Alexandre, écoutez, on était très, très ouais. contents, très heureux de l'avoir ici à Saguenay cette semaine, puis elle aussi, hein, parce qu'elle vient d'ici. Donc, pour elle et pour nous, ben écoutez, ça a été vraiment une belle semaine. Marie-Alexandre a joué son premier match, puis est venue tout près de la remporter. Ouais. Elle a joué contre l'Israélienne Shar Arpir, la quatrième favorite. Ça en est fallu de peu. Elle a perdu en 3-7 et puis elle a vraiment bien réagi là, devant la foule, tout ça. Elle a joué un très bon match. Et puis, en double aussi, avec Charlotte Robillard-Miette, là, ils ont gagné leur premier match, puis ensuite se sont inclinés contre les premières favorites. Mais écoutez, ça nous a aidés aussi. Hein. Il y a beaucoup de monde qui voulait venir la voir jouer. Fait que c'est certain, quand on a des Québécoises puis même une Saguenayenne, c'est encore mieux. Mais c'est ça, là, Marie-Alexandre a choisi d'aller à l'université américaine. Elle est en Caroline du Sud. Fait que là, elle va poursuivre ses études là-bas, puis elle va continuer à s'entraîner fort pour peut-être continuer à faire des genres de tournois, là, justement, ITF, là, au cours de l'année, puis durant l'été. Et après ça, bien, on va voir la okay. suite. Au niveau financier, c'est un succès, on peut dire, Challenge Bank National? Ben écoutez, on a eu quand même pas mal de monde okay. qui est venu cette semaine. Ça a été très satisfaisant de ce côté-là. Je peux pas vous donner de chiffres là vraiment, mais c'était oui, c'est, on a dans l'appui de plusieurs ouais. partenaires, beaucoup de gros commanditaires, tout ça. Et puis ça nous aide justement à tenir l'événement et à faire en sorte qu'on puisse avoir un événement là, qui est quand même... je pense que les joueuses apprécient vraiment leur passage à Saguenay, justement, parce qu'on se démarque avec plusieurs activités et puis tout ça. Donc, je pense qu'ils l'apprécient beaucoup. Puis, de notre côté, ben écoutez, le but, hein, c'est pas nécessairement de faire beaucoup d'argent, mais c'est au moins d'arriver. Et puis, je peux vous dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas ouais. de problème. Là. Le but, ben, c'est de continuer justement à travailler fort pour offrir le meilleur tournoi qu'on puisse offrir. D'une année à l'autre, on améliore toujours plein de choses. Fait que ça, c'est je pense que le comité travaille fort pour okay. ça. Et puis cette année, on a eu justement un très bon rapport de l'ITA, tout ça, par rapport à tous les petits ajustements, ce qu'on a apporté, et ainsi de suite. Et puis, je pense que c'est un tournoi quand même qui est très bien coté là pour sa grosseur. Je dirais beaucoup d'entraîneurs puis de joueuses qui nous disent qu'ils sont allés un peu partout dans le monde faire des tournois de cette envergure-là. Puis qu'ici à Saguenay, là, on est un des tops. Bon, c'est bête en lieu. Fait que c'est le fun à savoir parce que ça nous encourage pour la prochaine. Oui, effectivement. Ben, Caroline, on se reparle dès que l'actualité du tennis va le demander. Parfait, notre spécialiste merci. De tennis, Caroline Delis.